Contraint d'écrire, expliquer pourquoi je finirais par en venir aux mains. Notre avenir venin, injecté par nerfs optiques. Lobotomie aux petits soins, pas que beau qui coule au quotidien. Pas que beau les gens, beaucoup de mauvais esprits. Les mises en garde, combien s'y plient. D'une façon ou d'une autre, si tu résistes, ils te suppriment. Puisqu'ils subliment Satan, attends, t'as pas vu les signes. Pourtant ils sont flagrants, le délire se propage dans les coins les plus isolés. Même sans boussole, la cruauté et la bêtise ont su ôter les liens faisant office de raison de l'homme crétin. Comme un gardon aidant la pire des saloperies frappe dans ses mains. Puisque c'est d'usage d'user nos âmes, frapper la canne de l'être qui boite afin qu'il rampe et se déhanche, content de devoir finalement payer les échéances. La raison braquée sur la tempe, des mots comme arme de poing. Triste nuit passée, tous ces démons me hantent. Contraint d'écrire parce que c'est ça ou rien. La raison braquée sur la tempe, des mots comme arme de poing. Triste nuit passée, tous ces démons me hantent. Contraint d'écrire, parce que c'est ça ou rien. Contraint d'écrire, courir au massacre n'a de nos jours plus rien. D'une image guerrière, on sait de l'intérieur aujourd'hui qu'on fait la guerre. Pervertit les frères, les empoisonne, que ces versets résonnent. Et tant à raisonner, c'est fou encore, sauva si peu soit-il. Devrais-je dire si peu soit-on, mais peu importe, soyons patients. Mes points inactifs, passer le temps n'est que le perdre. Perdre le temps n'est qu'à froid, battre le fer. Donc inutile et vulgaire, face à la vie, gardons l'élan créatif. Et l'envie d'abattre ce système récréatif qui dit chimère, crée baliverne, gentil en hymne. Réalité pour nos mômes, si moche soit-elle. Contraint d'écrire avant de passer du microphone au scalpel. Du microphone, du microphone au scalpel. La raison braquée sur la tempe, des mots comme arme de poing. Triste nuit passée, tous ces démons me hantent. Contraint d'écrire, parce que c'est ça ou rien. La raison braquée sur la tempe, breveter ses mots comme arme de poing. Triste nuit passée, tous ces démons me hantent. Contraint d'écrire, parce que c'est ça ou rien. Contraint d'écrire, calmer mes nerfs et ressaisir les tiens. Combien se trompent de cible, j'opte pour sortir la guillotine et à la trappe financière, politique et secte. Libération du peuple, un court instant, en un coup sec, un court instant. Car resteront sûrement des cons qui finiront par restaurer les décombres. Contraint d'écrire et puis de vous dire j'emmerde à tour de langue votre vision faussée par le pouvoir et l'argent. J'emmerde vos vies minables et vos agents. J'emmerde vos assurances, vos comptes épargne, vos militants qui patauchent dans la smoule. J'emmerde ce monde et 99% de ses occupants. J'emmerde pas mal de choses et puis j'emmerde le reste. Et reste sur ma cause, et reste sur ma cause, et reste sur ma cause. En fait, j'emmerde pas mal de choses et puis j'emmerde le reste, ouais. Et reste sur ma cause. La raison braquée sur la tempe, des mots comme arme de poing. Triste nuit passée, tous ces démons me hantent. Contraint d'écrire parce que c'est ça ou rien. La raison braquée sur la tempe, des mots comme arme de poing. Triste nuit passée, tous ces démons me hantent. Contraint d'écrire parce que c'est ça ou rien.